Ils la tuèrent. Alors il leur dit, « Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. »